La police. C'est de la merde. L'armée. C'est de la merde. La justice. Messieurs les jurés, c'est de la merde. La religion. C'est de la merde. La patrie. C'est de la merde. Le capital. C'est de la merde. Et à moi. Toujours de la merde. Bonsoir, nous sommes le jeudi 22 juin de l'an de non-grâce 2017 et c'est l'heure du magazine Libertaire, une émission diffusée tous les jeudis de 20h40 à 22h sur l'antenne d'Alternante. Alors pour écouter le magazine Libertaire, ça se passe sur le 98.1 à Nantes et sur le 91 FM à Saint-Nazaire. Sinon, Alternante est une radio associative qui a besoin du soutien de ses auditrices et de ses auditeurs pour diffuser ses émissions. Vous pouvez aussi nous joindre par téléphone au 02 40 93 26 62, par mail à maglib@boom.org, ainsi que réécouter nos émissions en podcast sur notre site maglib.boom.org. Alors, au programme du soir, eh bien, nous allons vous causer de la chasse aux migrants qui a lieu en Hongrie. On va vous diffuser un son de Bruno qui est en grève de la faim et dont on a déjà parlé lors des émissions précédentes. Et puis il va y avoir un billet sur les crimes policiers aux États-Unis et ensuite ça sera l'heure des annonces. Voilà, je passe la parole à mes collègues. Ok, on va faire pas dans l'ordre habituel, donc je commence par une annonce. Alors c'est une soirée de soutien à Radio Cayenne. Donc c'est au 17 bis rue du Général Buat à Nantes et c'est ce soir, donc c'était à partir de 19h, il est toujours temps d'aller y faire un tour. Donc je lis l'annonce. Cayenne, ce n'est plus seulement un bagne, une marque de bagnole trop chère pour toi mais qui a l'avantage d'être facilement inflammable. Une chanson bien misogyne, je connais pas, malgré tout le folklore qu'il y a derrière, ou encore une variété d'ananas, ou de piment, piment de Cayenne, je connais. Alors Cayenne, c'est un collectif qui a des trucs à dire, qui a envie de créer, de débattre, de se réapproprier un média radiophonique et de sortir des sentiers battus, par les dominantes et dominants et les mainstreams. On expérimente, on essaie, on apprend. Radio Cayenne, c'est les lundis et vendredis dès 19h. Pour venir partager tout ça avec nous, une adresse pour le moment, donc une adresse électronique. Alors, mixlr.com/radio-cayenne/. Enfin, j'imagine, je suis pas sûre. Mais en tout cas, on peut retrouver ça sur Indie Media Nantes. Les points, on ne sait jamais si c'est dans le texte ou dans l'adresse. Bon. Je crois que c'est pas une adresse, c'est plutôt un lien pour écouter Radio Cayenne, non ? Ah oui. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Donc, de toute façon, sinon, on peut télécharger l'application sur son smartphone et puis pouvoir l'écouter sur... Ok. Ouais. Alors, et surtout pour que Radio Cayenne continue à expérimenter, à essayer, à apprendre, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 22, donc ce soir, pour une soirée de soutien à la MOB. Donc des concerts, dynamite, glam folk, punk, euro dance et des surprises. Voilà, il y a une adresse électronique cette fois. Donc tout attaché, radiocayenne@protonmail.ch. Radio Cayenne est suisse. Bon voilà, donc ça c'est l'annonce en priorité puisque ça a déjà démarré. Donc on vous invite à y aller et pour nous, vous pourrez nous réécouter sur notre site. Ok. Finir quand ça traîne, j'ai pas envie de moisir ici. Cayenne, c'est fini. Oh yeah. Cayenne, c'est bien fini. Allez les mecs, ok. Roulou. Cayenne, captivité pas bon. Cayenne. Quand t'as d'évasion, la prison quadrillée, niquée par le képi, des marteaux des caddies, l'avocat déphasé, plaidoirie kamikaze, système pénitentiaire, condamné l'accusé à purger lourde peine. C'est les cailloux, à Cayenne. Casser des cailloux à Cayenne. Casser des cailloux à Cayenne. À Demolay. Casser des cailloux à Cayenne. Casser des cailloux à Cayenne. Waouh waouh. Casser des cailloux à Cayenne. Donc voilà, Radio Cayenne, c'est la fête ce soir à la MOB. Moi j'ai trouvé un article et avant de trouver cet article, en fait, il y a deux jours, j'ai regardé un film de science-fiction que j'ai trouvé un peu par hasard, qui s'appelle Immigration Game, un film allemand. C'est des migrants qui arrivent dans une ville, ils doivent atteindre une tour. Et s'ils arrivent jusque-là, ils seront régularisés. Et en attendant, il faut qu'ils traversent toute la ville. Et il y a des chasseurs qui sont... c'est un jeu télévisé, donc tout est filmé par caméra vidéosurveillance, plus des drones partout dans la ville. Et les chasseurs donc sont autorisés à tuer, bien sûr. Voilà. Un film de science-fiction et deux jours après j'ai trouvé un article sur la Hongrie où en fait Viktor Orban a mis en place un mur de barbelés donc il y a 3 ans et ce mur a besoin d'être protégé bien sûr et donc la police et le gouvernement font appel aux bénévoles. Il y a des milliers de personnes qui ont suivi une formation spéciale pour pouvoir aider les policiers et les militaires qui sont déjà présents sur les lieux. Tout ça au nom de la sécurité intérieure. Les citoyens sont recrutés par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il y a une vaste campagne de propagande avec des vidéos provocantes qui a été montée par le gouvernement. Et c'est une campagne qui a pour but de sensibiliser les plus jeunes. Et c'est réussi puisque la moyenne d'âge des bénévoles tourne autour de 30 ans. La police s'est lancée depuis plusieurs mois dans une opération de communication soignée. Donc il y a des vidéos publiées sur le réseau social Facebook. Les forces de l'ordre essayent d'attirer le plus grand nombre. Donc à un grand renfort de musique rock, il est possible d'y voir majoritairement des hommes. Ils s'entraînent au combat, aux interpellations et au maniement des armes à feu. Le nom officiel, j'essaierai pas de le prononcer en hongrois, mais le nom officiel de cette brigade, ça, c'est les chasseurs frontaliers. Et ils portent un uniforme bleu, un calot rouge sur la tête. Ils suivent des cours d'autodéfense afin de mener à bien une arrestation musclée de migrants, plaquage au sol, tibia sur la nuque. Ces volontaires, il y a 15% de femmes et à terme, il devrait être 3000. Ils vont patrouiller à la frontière avec la Serbie. Ils sont armés d'un spray de gaz poivré, d'une matraque et d'un revolver. Il y a une recrue de 29 ans, Alexandra, qui explique que c'est un boulot garanti et bien payé. Les élèves sont payés dès le début de leur formation. Et au bout de 2 mois, la rémunération passe de 500 à 700 euros par mois. Et ça, c'est le double du salaire minimum en Hongrie. La police mène une campagne de sensibilisation très active, des témoignages enthousiastes publiés dans la presse, des vidéos de promotion montées comme des bandes-annonces de films d'action. Une autre recrue de 23 ans avoue qu'il a postulé pour le salaire, sans grande conviction. Il répète les propos du Premier ministre, je cite, « On ne doit pas accueillir les migrants. Ils sont incapables de s'intégrer à la culture européenne. Ils sont agressifs. » Et puis, il finit par lâcher qu'il n'en a jamais rencontré. Depuis 2015, il faut préciser que l'entrée illégale dans le pays est devenu un crime passible de 3 ans de prison. Et le Parlement a voté la détention systématique des demandeurs d'asile. Par ailleurs, il y a les associations, donc il y a des témoignages comme quoi les policiers hongrois sont adeptes des passages à tabac sur les migrants, bien sûr. Pourquoi se gêner? Donc il y en a qui témoignent, je suis déjà passé une douzaine de fois. Toujours de nuit, les passeurs cisaillent le grillage. Donc ça, c'est un Pakistanais de 23 ans qui raconte. Mais à chaque fois, les policiers hongrois nous attrapent. Et à chaque fois, ils nous rouent de coups et lâchent leurs chiens sur nous avant de nous repousser en Serbie. Donc il y a une personne, Lydia Gall, de Human Rights Watch, qui dit « J'ai vu de sales blessures, des plaies ouvertes à la tête, des bleus aux bras et aux jambes, ainsi que des hématomes causés par des coups de matraque sur le dos et sur la tête. J'ai vu aussi des morsures de chiens sur les bras, les mains et les jambes. » Donc voilà, donc selon le secrétaire d'État à l'intérieur, la Hongrie aurait déjà investi plus de 900 millions d'euros dans les infrastructures de surveillance aux frontières. On peut se demander si ça aurait pas pu servir à autre chose, du style aider les migrants. Voilà. Bon. Nasser veut intervenir. Après, il y a des migrants qui sont agressifs. Il y a des migrants hongrois. J'en connais un. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Il était très très agressif. Très agressif, c'est vrai. Mais on n'a pas lâché les chiens contre lui, merde. Peut-être qu'on fait une petite pause. بما التعلل أهل ولا وطن ولا ندم ولا كأس ولا سكن أريد من زمن ذان يبلغني ما ليس يبلغ من نفسه الزمن لا تلقى دارك إلا غير مكترث ما دام يسحب فيه روحك البدن فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انطفت فزال القبر والكفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن مما أضر بأهل العشق أنهم هوى ومعرف الدنيا ومفاطن تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن تحملوا حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمن ما في هوادجكم من موجتي عوض إن مت شوقا ولا فيها ثمن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انطفت فزال القبر والكفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعم النعون مرتهن قد كان شاهد دفن قبل قوله جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا رأيتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن جزاء كل قريب منكم ملل وحظ كل محب منكم ضغن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن très jolie cette chanson Nasser. Quelle est l'interprète? Ouais. C'est qui chante? Swann Massy. Et c'est tiré d'un album qui s'appelle El Moutakaloumin. Et ça parle de dissidents. Ce sont des poètes dissidents. Ok. Voilà. Très chouette. Très chouette. On en repassera un morceau tout à l'heure. Si vous êtes gentil. Ok. Alors maintenant, on va passer à la diffusion d'un son que nous avons enregistré mardi dernier, le mardi 20 juin. Et nous entendrons Bruno qui est en grève de la faim depuis le 22 mai. Et il proteste contre les administrations qui mettent des bâtons dans les roues depuis 2006, donc à son projet d'installation agricole sur son terrain. C'est du côté des Touches, sur la commune des Touches, près de Nord-sur-Erne. Je souhaite interpeller l'opinion publique afin de la faire réagir sur la façon dont les administrations, notamment agricoles, nous traitent, écrit Bruno en introduction de son blog « Indignons-nous ». 2015.blogspot.fr Indignons-nous, ça, c'est 2015, tout est attaché. On mettra en lien sur notre site. Et ce blog, en fait, il relate donc l'histoire de Bruno et on vous conseille d'aller le visiter. Et aujourd'hui, donc, il en est, si on ne se trompe pas, à son 32e jour de grève. Et nous allons diffuser le son tout de suite. On vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve dans une demi-heure. Bon, mais bonjour. Alors, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Étonnamment, mais je vais bien. Et donc, tu es en grève de la faim depuis le 22 mai? Oui, ça fait 30 jours maintenant, aujourd'hui. 30 jours aujourd'hui. Et on voulait savoir pourquoi est-ce que tu fais une grève de la faim? Alors, je fais une grève de la faim suite à des déboires que j'ai pu avoir avec la commune des Touches, la mairie, la MSA, différents organismes administratifs. Et c'est pour dénoncer, pour interpeller l'opinion publique, essayer d'éveiller d'autres agriculteurs ou autres qui ont eu ce genre de problème avec les administrations, parce que c'est fréquent, beaucoup de gens en sont mécontents de l'administration, surtout quand ils veulent commencer à entreprendre. Donc voilà, donc jusqu'à présent, ça fait pas grand chose de plus pour l'instant, mais voilà, mon but au départ c'était ça, c'est de faire bouger un maximum de monde pour arriver à faire prendre conscience que les administrations ne sont pas là pour nous bloquer, ils sont là pour à la limite nous aider, pour avancer, pour pouvoir faire des choses. Voilà. Et est-ce que au niveau des administrations, donc est-ce qu'elles sont au courant du fait que tu fais la grève de la faim? À part par les journalistes Ouest France, l'Écho d'Anceny, bientôt il va y avoir aussi un autre magazine naturellement que je ne connaissais pas et donc où je vais avoir un article aussi dedans. Voilà, pour l'instant, pas plus que ça. Et tu es en lien avec d'autres... est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te soutenir ou des agriculteurs qui se sentent concernés par le même problème au niveau administratif, qui sont aussi bloqués dans leur démarche et qui savent très bien ce qui t'arrive et qui connaissent ce qui t'arrive et qui te soutiennent en fait dans ce mode d'action? Ouais. Dans ceux qui me soutiennent, peut-être une part de SES Paysans, de ceux que je connais dans le coin. Mais bon, j'ai fait ça un peu en freelance, quoi. J'ai fait ça comme ça en espérant qu'il y ait une dynamique qui se crée, quoi. Et puis en fait, finalement, il aurait fallu que je mette... Parce que le site en lui-même que j'ai mis sur Blogspot, sur Google, c'était pour justement dénoncer, alors je raconte mon histoire, mais en fait je mets une page Facebook pour que justement d'autres personnes puissent témoigner, puissent mettre leur histoire à leur tour, pour que ça fasse boule de neige et puis qu'on puisse aller à faire, je ne vais pas dire une poudrière, mais arriver à faire bouger les choses, quoi. Et donc, t'as des témoignages? J'en aurais bien voulu, sauf que c'est vrai que beaucoup sont pris partout. Parce que j'avais demandé à Sybille, j'avais demandé à une personne du coin, j'ai plus son prénom en tête, qui ont eu des problèmes. Et donc justement, en fait, le truc, c'est d'avoir le temps d'écrire. Moi, après l'AVC, je me suis retrouvé un peu comme un légume, si tu veux. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis cherché, je me suis soigné, j'ai fait des cures du foie, j'ai fait des choses pour me remettre en état. Et en même temps que j'ai maudit, forcément, etc., j'ai ruminé, etc. Et puis, fin 2014, et puis dans l'année 2015, j'ai fait... pratiquement presque un an pour faire le texte, je suis pas un érudit, la preuve, je fais une dizaine de pages quand même, mais bon. Et puis le truc, c'est pour expliquer mon histoire. Et en même temps, la page Facebook, bon, ça a été rajouté, tout ça, pour justement pouvoir permettre justement à d'autres personnes de se lancer dedans, pour dire, bah oui, il faut que je parle. Mais aussi, il y a aussi une honte des gens aussi, du mal. Moi, je sais pourquoi j'ai pas réussi des choses. Je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a des administrations et donc des personnes qui travaillent. Et la majorité des personnes qui travaillent, au début, ils ne voulaient pas rentrer dans l'administration. Il faut être lucide. Ils ne voulaient pas. C'est pas un rêve, l'administration. Donc, ces gens-là, quand ils commencent à bosser dans l'administration par dépit, quand on va les voir... avec dans la tête le rêve de vouloir faire quelque chose qui peut-être ils avaient eu eux-mêmes, bon, ils n'ont pas trop envie de nous porter, quoi. Voilà. Et donc, je pense que le problème, il est là. Alors, ces gens-là, s'ils ne sont pas capables de travailler, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils dégagent. Ils n'ont rien à faire là. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Tu parlais de problèmes de santé. C'est pas un peu... un peu risqué de faire une grève de la faim avec... est-ce que c'est pas peut-être le désespoir je sais pas, qu'est-ce qui... C'est pas un désespoir. En fait, je me suis renseigné avant. En fait, par le fait d'arrêter de manger, la tension baisse. La tension baisse, bon déjà, c'est ça qui est le plus important pour ne pas avoir un AVC. Donc du coup, j'ai calculé tout ça. Après, je connais un peu l'histoire du jeûne et tout ça. Sauf que là, 30 jours, c'est la première fois que j'arrive à ce stade. J'ai jamais fait. Mais moi déjà, j'ai arrêté tous mes médicaments. Et qu'est-ce qu'il dit ton médecin? Les médecins, forcément, ils veulent continuer les médicaments. Non, mais par rapport à la grève de la faim, qu'est-ce qu'il te... Par rapport à la grève de la faim, alors c'est pas mon médecin, parce que mon médecin traitant, forcément, il est sur Nantes, par rapport à mon lieu d'habitation. Là, j'ai un médecin qui est de Nord, que je vais voir, c'est cette personne-là qui me suit. Et là, on a regardé, on fait des prises de sang, on doit être à la troisième ou quatrième prise de sang. Là, on a regardé, j'avais rendez-vous ce matin, on a regardé la prise de sang qui s'est faite hier. Tout est bon, les reins sont bons, c'est nickel. Donc, pour l'instant, je continue tant que je suis lucide. Le problème, c'est quand je me lève trop vite debout, c'est des choses comme ça, en fait. C'est la faiblesse, c'est là, quoi. Mais quand je suis assis là comme ça, ça va, on voit, j'ai de l'énergie pour parler. J'en ai beaucoup plus quand j'ai mangé, mais voilà. Mais c'est une grève de la faim, c'est pour interpeller donc les institutions qui t'emmerdent depuis je sais pas combien d'années. Mais donc, comment tu les... Enfin, t'as eu aucun interlocuteur qui est venu Jusqu'à présent, non. Directement ou indirectement? Directement, si, indirectement, on va dire, puisque ils ont, pour l'article de West France qui est paru, je crois, le 24 mai, oui, c'est le 24 mai, y a eu une réponse de la mairie à la journaliste, parce qu'elle a été les voir, comme quoi on n'avait pas de problème, il n'y avait plus de problème avec moi. Sauf que moi, j'ai un puits qui est illicite, parce qu'ils m'ont refusé l'eau pendant 8 mois. Donc moi, au bout d'un moment, j'ai pris la liberté de faire un puits. Donc là, le puits, il est fait. Je veux le faire reconnaître. J'ai un déplacement d'implantation de 5,35 m du four pour le four à pain. Ça, il n'est pas dans les plans de construction. Donc on a toujours un litige. Mais moi, je veux plus que ça. Je veux pouvoir m'installer vraiment sans qu'on vienne plus jamais me mettre des bâtons dans les roues. Hein, qu'on puisse enfin avancer. Et je dis pas ça que pour moi, je dis ça pour tous ceux qui veulent essayer. J'en connais dans le coin, c'est pareil. Ils veulent essayer de faire des petites structures agricoles, mais le problème, les petites structures agricoles ne sont pas prises au sérieux. C'est ça le problème aujourd'hui. Alors qu'on arrive très bien à en vivre. En tout cas, on peut gagner plus facilement que le RSA. En tout cas. Et donc on est autonome, on paye ses charges. Voilà, faut être lucide, quoi. Il faut arrêter de voir après des gens qui sont là, ceux-là ils sont payés à rien foutre. Et on voudrait justement pouvoir foutre, justement. Voilà, c'est ça le truc. Et tu as créé un blog, hein. C'est indignons-nous.blogspot. Non, c'est indignons-nous. Oui, tout attaché. 2015, oui, tout attaché. 2015. Indignons-nous 2015.blogspot.fr. D'accord. Ouais. Et donc sur Google, hein, c'est sur Google. Donc sur ce, ces autres moteurs de recherche, ça marche pas. Sur ce blog, qu'est-ce qu'on peut obtenir comme information Et ben en fait, je raconte toute l'histoire depuis le début, depuis le fait qu'on trouve les terres, qu'on commence à s'installer, commence à faire des plans d'installation, etc. Et donc là. Les premiers problèmes, en fait, ça a été justement quand j'ai commencé à faire la cabane en bois de 14 mètres carrés, en palette, un truc sans fondation. Et ça a été les premiers éléments, le refus du permis de construire de la cabane en bois et aussi de toutes les structures agricoles. Mais ça, par contre, comme c'était du dur, j'ai préféré attendre les autorisations. Et donc du coup, le permis a été refusé, j'ai intenté un procès, j'ai été débouté, les autres aussi, hein. Ça a été reporté. Et j'ai fini par gagner ce procès, sauf qu'à chaque fois, il y a du temps qui passe. Après, il y a eu la MSA qui m'a coupé mon RSA pendant 10 mois. Après, j'ai obtenu gain de cause en envoyant 37 pages de dossiers expliquant tout ça est sur le site, hein, en lien et tout, et on peut lire tout ça. C'est rien que le premier dossier du contrôleur de la MSA qui a mis en fait 15 pages pour expliquer les immondices, pour le lire, parce que c'est hallucinant. Je me suis mis à 3 ou 4 fois pour le lire tellement j'ai jeté le dossier à chaque fois, j'arrivais plus à aller plus loin. Ouais. Et donc voilà, et donc j'ai envoyé tout ça au conseil général. Et en 4 jours, ils m'ont redonné tous mes droits. Comme quoi, dès le départ, ils étaient en faute. Hein? C'est comme la mairie. Les deux procès que j'ai eus, j'ai gagné tous les deux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le pouvoir de dire non, mais ils ont aussi le pouvoir de dire oui. Sauf qu'ils ont souvent envie d'avoir le pouvoir de dire non. Surtout que quand on va les voir, et puis on est guigré, hein, t'es en pleine pêche, t'es en train de mettre en marche une activité, tu y crois, etc. Eh ben non, il y en a à qui ça plaît pas, quoi. Il y en a qui ça plaît pas. Et l'administration, à ce niveau-là, il y a des brebis galeuses, et ils sont à plus de 50% là-dedans. Énormément, ils sont énormes. Donc il faut faire une prise de conscience à ce niveau-là. propos de prise de conscience, les personnes qui vont nous écouter ou les personnes qui auront des infos par rapport à ce qu'ils auront trouvé, par exemple, sur le blog, qu'est-ce qu'ils peuvent faire individuellement? Qu'est-ce qu'ils peuvent, je sais pas, appeler la mairie, qu'est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qui serait souhaitable qu'ils fassent? Alors, moi, le but premier, c'était d'abord de faire bouger l'opinion publique, les gens. J'espérais voir un peu plus de monde ici, des réactions d'agriculteurs qui ont des problèmes. J'espérais même avoir des témoignages de proches, familles, amis, de personnes agriculteurs ou autres qui se sont suicidés. Et parce qu'il y en a une bonne partie aussi de ces personnes-là qui ont eu des contraintes avec les administrations. Hein. Et donc, j'aurais bien voulu avoir tout ça. Après, évidemment, j'ai mes revendications pour moi. Mes revendications, c'est de pouvoir en fait produire ici et aussi donc de pouvoir loger ici. Parce que moi, ce que je veux, c'est baisser les charges de vie et les charges d'entreprise. Si je suis à l'extérieur avec un loyer de, je sais pas moi, 800 à 1000 euros par mois, il faut que je gagne l'équivalent de 800 à 1000 euros par mois en plus de ce que je veux gagner pour vivre. Alors que si je me construis tout de suite un habitat ici, je ne paye plus de loyer, j'ai moins besoin de gagner d'argent, j'ai moins besoin de travailler. Suite à mon AVC, c'est tout bénef pour moi parce que de toute façon, je ne peux pas faire plus que la normale non plus. Mais je ne veux pas non plus être au crochet de la société. Donc voilà, je veux pouvoir vivre de mes moyens. Voilà. Et donc c'est ça que je voudrais arriver à faire prendre conscience. Et sur le blog, on voit que ça fait donc plusieurs années que tu es embêté par, tu es emmerdé par les administrations. Pourquoi est-ce que tu fais une grève de la faim maintenant? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé? Tu as mûrement réfléchi ou que tu as... Hein? Ben c'est plus que mûrement réfléchi parce que j'y pensais déjà en 2010. Après, comme le problème s'était solutionné, donc ok, ça a été un peu plus loin. Sauf qu'à un moment donné, bon bah suite à l'AVC, bah, la caravane aussi, le problème c'était ça. Le deuxième procès, même si j'ai gagné 5 jours avant, je fais l'AVC. Au moment où j'ai pensé au procès, c'était le soir, ça m'est arrivé comme ça. Je pense au procès qui arrive dans 5 jours, et là, tout de suite, j'ai senti les picotements, les machins, sans savoir ce que c'était, parce que j'étais aux urgences que le lendemain. Donc tu vois, avec 23 de tension le lendemain. Donc je ne savais pas combien j'avais au même moment, mais bon, voilà. En tout cas, passé toute la journée aux urgences, tout ça. Et là, ce jour-là, forcément, j'ai maudit d'autant plus, vraiment. Parce qu'on sait bien comment ça vient, tous ces trucs-là, ces pressions, ce stress, voilà quoi. Et donc tu dis que c'est mûrement réfléchi, la grève de la faim, ça fait plusieurs années que tu y penses. Oui, par rapport à ça, ben oui, j'ai pas répondu. Oui, en fait, ça venait petit à petit, ça a mûri. Et donc, 2012-2013, une partie de 2014, bon, comme je dis, j'ai fait des cures du foie, je me suis soigné, j'ai essayé de me remettre en état, etc., réfléchir à ce qui s'est passé. Alors, autant dire, j'ai bourlingué un peu n'importe comment, un peu, et le terrain ici a été un peu à l'abandon. À chaque fois que je revenais ici, je voyais des choses qui s'écroulaient, ça me rendait malade. Je repartais, je restais jamais plus de 5 minutes en général, je repartais dégoûté, complètement déprimé. Enfin voilà, c'est terrible hein, quand ça arrive là. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je fasse un texte, il faut que j'écrive un truc. Et puis là, j'ai commencé à écrire ça. Sur ordi, et puis après, avant de commencer à mettre sur internet, je me suis fait aider parce que bon, je suis pas un féru d'internet et pas tellement d'ordi non plus. Et puis bon, j'arrive à peu près maintenant à un peu près me débrouiller, mais voilà quoi, pas plus. Et puis petit à petit, de toute façon, mon but c'était de faire interpeller l'opinion publique tout en pensant pour faire bouger les choses à arriver à cette grève de la faim, justement pour que ça bouge. Voilà, c'est ça qui m'a mené pour faire un coup de boost, quoi. Et pourquoi ce mode d'action? Pourquoi la grève de la faim plutôt qu'un autre mode d'action qui pourrait être d'aller, je sais pas, enfin... Bah oui, j'aurais pu, je sais pas, avec avec mon manche de pioche, aller à la mairie, par exemple, ou des choses comme ça. Mais voilà, j'y ai pensé, hein. Franchement, j'y ai pensé. Mais bon, je me suis dit, il faut être plus intelligent que ça. Et donc, je me suis dit, le mieux, c'est, voilà, c'est de faire un refus. C'est comme une désobéissance civile, c'est comme n'importe quoi. C'est un peu du même acabit. C'est de dire, bon, voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut les mettre en avant. Il faut, pour ça, il faut que ça bouge, il faut qu'on en prenne conscience, pour que les gens puissent faire des choses, hein, ceux qui ont envie d'entreprendre, ils ont envie d'entreprendre, c'est pas des Dassault, c'est pas des Lafarge, ce ne sont pas des gens comme ça. Pour ce que j'ai calculé, pour ce que je veux faire, c'est à peu près 650 à 750 euros par mois que je gagnerai en net. On ne peut pas dire que ce soit du grand capitalisme. Et avec ça, au moins je suis autonome, je paye mes charges, j'ai un jardin dans le coin, je peux avoir des animaux, je suis autonome. 650 à 750 euros par mois, c'est visant, c'est pas vrai. C'est visant, ça va, il n'y a pas de souci. Et donc d'autres personnes peuvent faire la même chose, mais pour ça, et c'est toujours mieux que de les voir au RSA, surtout, j'ai envie de le faire, allons-y. Alors, faut qu'ils arrêtent de nous emmerder, tout simplement, quoi. Et ça fait 30 jours que tu es en grève de la faim. Est-ce que tu t'es fixé une limite ? Ouais, j'irai pas au-delà de 40. J'irai pas au-delà de 40 parce que les muscles se perdent, etc. Et donc là, après, c'est beaucoup plus dur de revenir en arrière. Hein, refaire ses muscles, refaire tout ça. Moi, je sais que je vais avoir du mal déjà au début. Hein. Je pense que je vais avoir au moins un mois et demi, deux mois avant de me refaire un peu, quoi. La reprise alimentaire, elle est lente. Je ne vais pas pouvoir la faire avec une choucroute dès le lendemain. Non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Donc, une grève de la faim, on ne mange pas. Comment tu t'organises ? Comment tu t'organises tes journées ? Qu'est-ce que tu consommes ? Qu'est-ce que tu ne consommes pas ? Donc, pour l'instant, parce que pour l'instant, là, je ne consomme que de l'eau. Je consomme les tisanes, donc une infusion de chiendron le matin, bien corsé, bien dosé, et puis un mélange de plantes pour le foie le soir. Et puis un petit bonbon des Vosges le soir, qui est donc un petit truc de sucre. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Tu écoutes le chant des oiseaux, je sais pas, je fais que ça. Enfin si, je bricole, hein, je fais des trucs. J'ai même tu fais quand même des... Tu as une activité. Ouais, enfin, des activités physiquement possibles. Là, quand je prends le tracteur pour aller faire deux, trois trucs avec, il n'y a pas de souci. Après, je passerai pas la journée dessus. Hein. Je peux faire des choses tranquilles. Ouais, t'es pas dans la grosse activité. Hein. Oui, c'est pas dans ton activité habituelle. Ah non, non, non. D'accord. Là, c'est vraiment activité lente. Hein. Je peux pas faire. Déjà, rien que le fait de me lever trop vite, je le sens. D'accord. Ça a la tête qui tourne, fatigue. Alors, tout de suite, en général, je suis toujours dans un coin avec un siège, une chaise pour pouvoir m'asseoir. Sitôt que ça va pas, hop, je m'assois. J'attends que ça se passe, j'attends 2 minutes, 3 minutes, puis après je me relève et je recommence. Mais c'est des trucs tout cool, hein. Je me mets à croupir, je choisis mes vis, mes machins, parce que là j'ai fixé le pétage de la cabane qui avait besoin parce qu'il y avait de l'eau qui passait à un endroit. J'ai réglé ça, j'ai fini ça ce matin. Alors c'était pénible, quoi. Monter l'échelle, tu vois, terrible. Alors j'ai fait ça ce matin donc à la prêche. Et j'en ai fait une partie de fixation par le dessus hier soir quand c'était tombé, jour plus se finissait, il faisait encore jour mais ça se finissait. Là il fait frais, ça va encore à peu près. Parce que la chaleur en plus quand on manque de nourriture, on se dégagne. Là ça va bien parce qu'on est à l'ombre avec le vent et tout, là ça fait du bien. Hein. Ouais. On a qu'à se mettre au soleil, on va voir, ce sera pas pareil. Quels sont tes souhaits ? Est-ce que tu as des souhaits ? Comment voudrais-tu que la situation évolue ? Eh bien, j'aimerais pouvoir m'installer, donc pouvoir construire une habitation pour pouvoir aussi surveiller, parce que moi ici, quand on avait fait les fraises ici, on s'en est fait voler pas mal, dont une fois sur toute la totalité du terrain. ça m'a grévé sur deux week-ends de vente de fraises que j'ai pas pu faire parce qu'ils avaient tout pris, même les vertes. À mon avis, c'était pour faire des confitures, les mâcher, les mûres et les vertes. C'est, ils ont tout mis ensemble, il n'y avait plus rien. À 4, on avait réussi à faire 4 barquettes sur 2600 mètres carrés. 4 barquettes. Donc là, on a eu un sérieux doute quand même. Donc là, j'ai été porté le pied, hein, j'ai pas eu le choix, il fallait que je le fasse. Dans ces cas-là, il y a une assurance qui fonctionne? Non, ça marche pas. Ben non, en plus, j'ai été cotisant solidaire. Donc voilà, alors, cotisant solidaire, il n'y a pas beaucoup de... Voilà. Et tu es au 30e jour, tu dis que tu n'iras pas au-delà de 40, ça veut dire qu'il en reste 10. Ce serait peut-être pas mal qu'il y ait des personnes qui interpellent la mairie ou, je sais pas, les institutions, leur demandant, D'ailleurs, quelle mairie? Ça peut, ben, les Touches, ça fait partie la mairie des Touches. Ouais, ça fait partie des Touches, ici. Donc si je cherche dans l'annuaire mairie des Touches ou sur internet, sur la commune, j'aurai un numéro de téléphone sur la commune des Touches. D'accord. Ouais. C'est vrai que pour les 10 derniers jours, autant y aller franco. Hein. Bah oui. Parce que là maintenant, c'est vrai que bah oui. Parce que moi j'espérais du coup ici sur place, moi je voyais plus un truc plus dynamique avec plein de monde et tout. C'est vrai que j'ai commencé un peu sans prévenir grand monde, d'ailleurs, oui. C'est un peu sûrement mon erreur, mais bon, c'est voilà, c'est comme ça, je fais un peu, je suis un peu comme ça, tête de bois, mais bon, voilà, je fais comme ça. Puis après, bah, j'ai commencé à prendre contact, c'est pour ça que j'ai fait un groupement par mail. Des personnes dont je ne sais pas si vous en faites partie, je ne me rappelle plus. Si. Et puis après par SMS, du coup là j'en ai beaucoup plus. En numéro de téléphone, j'ai. Ouais. Donc là je vais être. Est-ce que tu as des retours de gens qui t'expriment leur sympathie ou des. Oui, oui, des soutiens par SMS et tout ça, oui. D'accord, oui. Ça te fait du bien. Ah bah oui, puis il y a des personnes que je n'ai pas envie depuis longtemps, parce que forcément. T'as pas forcément l'occasion de les appeler, et puis après je le vois, je pensais à Tony qui fait du sel sur la côte, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il faisait le marché, donc du coup je l'ai mis, puis en pensant peut-être que c'est encore son téléphone, peut-être qu'il a changé, et puis là il m'a rappelé, il m'a raconté sa vie aussi, c'est normal, quoi, c'est voilà, la vie, quoi. Et il va bien, bon, lui au moins il n'y a pas de souci, c'est cool, c'est très cool. Peut-être tu peux expliquer ton projet, le projet que tu aimerais voir se développer sur ton terrain. Parce que tu as parlé qu'il y avait une plantation de fraises à un moment donné. Oui. Mais actuellement, en fait, quel est ton projet? Qu'est-ce que tu comptes mettre en œuvre sur ce terrain? Ouais. Alors les fraises au départ avaient été mises en place pour lancer quelque chose. Pour lancer, parce que le temps de demander les autorisations, on savait que ça allait pas être tout de suite, mais on pensait pas que ça allait être si long, mais bon. Pour demander les autorisations de construire des bâtiments agricoles, etc., pour pouvoir s'implanter, pour pouvoir s'installer, sauf que bah, là, forcément, c'était très long, et donc les fraises ont perduré, parce que moi, je voulais faire très vite, faire le pain. Et le pain, ça demande la construction d'un four, d'un fournil, d'une partie pour engranger le blé, d'un hangar pour le matériel agricole. Donc forcément, ça demande du mal. Parce que les laisser dehors, moi j'ai quelques matériels dehors, je les entretiens avec peine, mais c'est dehors, donc ça prend l'eau, il faut les abriter, malgré tout, il y a de l'humidité. Donc voilà, c'est quand même mieux quand c'est au sec. Et du coup, c'est plutôt une installation paysan-boulanger ou paysan-boulanger, oui. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et on voit que tu as construit le four déjà, non? Oui, c'est le four, oui, là-bas, oui, oui, oui. Tu as deux dômes, tu as une grande dalle, tu as deux dômes, et en bout, et le four à pain qui est en bout, qui est licite pour 5,35 m au sol. Par rapport au dépassement, puisque normalement au départ il devait y avoir juste deux dômes. Je ne savais pas encore où j'allais mettre le four. Et après le four, je me suis dit, je vais le mettre en bout là, parce qu'en même temps, ça peut donner de la chaleur pour l'hiver, pour constituer une chaleur dans les deux dômes, quoi. Une température sympa. Sauf que, si j'allais demander une autorisation pour ajouter le four Alors je l'ai fait en loose day, quoi. Je l'ai fait. Comme le pi, hein, je le revendique. Ça par contre je le revendique et je vais dire là ils m'emmerderont pas avec ça. Ah ça, c'était chier pour ça, alors là, ils ont même intérêt de le valider. Mais voilà, c'est. Parce que tu as besoin d'une autorisation pour construire un. Non, c'est surtout c'est parce qu'il y a un dépassement. Si tu veux, parce qu'au départ, tu avais les deux dons qui étaient acceptés au niveau du permis de construire. Ouais. Sauf qu'au moment où tu veux faire un rajout, il faut faire, si ça ne dépasse pas 40 mètres carrés ou 20 mètres carrés, je ne sais plus, il faut une autorisation. Sinon, c'est un permis de construire. Là, même autorisation, j'avais plus envie de parler avec ces gens-là. Ouais. Je ne veux plus leur parler. Rien. Voilà. C'est à eux de venir, c'est même plus à moi d'aller les voir. Voilà, ils m'exaspèrent. Ben on espère qu'après, ça va faire bouger. Oui, ça va faire bouger l'administration. Qu'il va y avoir des négociations, qu'ils arrêtent de botter en touche. Carrément, puis aussi pour les autres. Pour les autres aussi, ben oui. Ouais, pour tout le monde. Pour tous les petits agriculteurs surtout. Ouais. Parce que oui, l'agriculture, les agriculteurs, ici comme ailleurs, ils sont souvent décrits comme dans un désespoir profond. Et, ouais, déjà, tu vois le terme. Et on s'intéresse à eux que pendant les périodes électorales, puis après. Ben... Bien sûr, ben oui, parce qu'ils votent. Mais voilà quoi. Et bon, voilà, on connaît les termes péjoratifs de paysans. Cutéreux, tout ce que tu veux. Pourtant, s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas grand monde qui bouffe. Oui, voilà, c'est ça. Ils n'auraient rien à manger. Exactement. Donc, voilà, il faut être lucide aussi. Ouais. Hein? Ben oui. C'est vrai, manger plus d'entretien des terres. Ah oui. Ben, la préservation des terres aussi. Ouais. Ben oui. S'il n'y avait pas les paysans, ça serait les tonnes du crêpe. Aussi. Ouais, mais bon, de toute façon, on peut toujours arriver à te faire bouffer quand même. Ouais. Ouais. Donc forcément, il y aura un problème à un moment ou à un autre. Ouais. Alors, je pourrais dire un truc à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas vraiment un manque de terre aujourd'hui. Parce que ça, c'est un faux problème aujourd'hui, parce que c'est mon opinion, et puis je pense que vous allez être d'accord, c'est qu'il y a de plus en plus de gens végétariens. Et à l'avenir, il y aura de plus en plus de gens végétariens, voire végétaliens. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la majorité des terres qui sont utilisées, c'est pour la nourriture animale. Et donc, s'il y a moins besoin de nourrir des animaux pour nourrir des êtres humains, ça voudra dire qu'il y aura de plus en plus de terres de libre. Donc, c'est un faux problème. Il n'y a pas de terres qui manquent. Parce que de plus en plus, les gens ne mangeront plus de viande. Alors, moi, je mange de la viande, hein, mais j'en mange déjà moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. J'apprécie de si peu que je mange. Mais voilà, j'ai pas envie d'en manger plus que ça, et j'ai pas envie non plus que voilà, ce soit des animaux traités de façon immonde, etc. Industriel. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc j'essaye de voir un peu tout ça. Et bon, déjà, si on baisserait déjà notre consommation, déjà on verrait les terres. Oh ben tiens, les terres elles deviennent de moins en moins chères. Bah oui, parce que ça va de fait. Ça va forcément de fait. Parce que quand je vois par exemple l'été, les barbecues, tu sens les odeurs, tu sens tout ça. Alors plus, d'autant plus quand tu ne manges pas. Quand tu ne manges pas, alors tu le sens d'autant plus. Et puis là, tu es dit, putain, ils sont quand même du mal. Hein, parce que là, tu vois bien les graisses qui brûlent et tout ça. Mais bon, c'est leur choix. Hein. Voilà. Ok. Peut-être on va arrêter là, ou à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Bah non, j'espère surtout avoir un bon retour de tout ça, qu'il y aura encore des échos, puis comme il y a encore 10 jours, je croise les doigts pour qu'il y ait quelque chose. Moi j'aimerais bien aussi quand même, malgré tout, qu'il y en ait d'autres qui viennent répondre sur le site, qui est... parce que je sais que c'est relancé, c'est relayé, après je ne sais pas à quel niveau, jusqu'à quel point, voilà quoi. Parce que j'ai des réponses, mais pas plus que ça, puis le problème, il faut que je revoie un peu sur Facebook, parce que je ne suis pas doué, je n'arrive même pas à voir où est-ce qu'on a répondu sur Facebook. Tu vois, moi je suis paumé. Alors donc, faut que je voie avec le copain qui me donne un coup de main pour le site et tout ça. C'est lui qui décortique tout ça. Hein. Mmh. Après, je lui demande, tu peux m'expliquer, mais quand il m'explique, je ne comprends même plus la question que je lui ai posée au départ. donc voilà, j'ai dit, bon, attends, bah, tu reviendras, hein, c'est pas la peine. Voilà, en gros, c'est ça. Ben, on te souhaite plein de courage, plein de bonnes choses. Merci. Et puis, ben, on te remercie de nous avoir reçus dans ce cadre ô combien sympathique. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est sympa, c'est agréable. Le vent est frais, agréable. Bah, courage, force. Ouais. Merci. Détermination. Alors, on est toujours dans l'émission des magazines libertaires sur Alternante. Donc, on vient d'entendre Bruno qui est en grève de la faim depuis plus de 30 jours. Et on voulait préciser par rapport à l'enregistrement qu'il y avait un bruit de fond. Bah c'est juste que ce jour-là, il y avait un petit peu de vent dans les arbres. On était à l'extérieur, donc sur le terrain aux touches chez Bruno, et il y avait un peu de vent dans les arbres. Et du coup, bah, on l'entend en micro, on n'a pas pu enlever ce bruit de fond. Voilà, donc, mais je pense que vous avez pu quand même bien écouter l'enregistrement. Et on voulait aussi préciser que vous pouvez envoyer des messages de soutien à Bruno si vous allez sur son blog, donc qui est indignons-nous2015-blogspot.fr. Vous avez un lien Facebook par lequel vous pouvez lui envoyer des messages de soutien, des échanges. Vous pouvez avoir des échanges avec lui, des témoignages de personnes qui vivent des trucs similaires. Voilà, quoi. C'est ça. Oui. Voilà, voilà. Donc, on mettra tous ces liens en ligne sur notre site. Et on vous donnera aussi, je pense, la semaine prochaine, des nouvelles de Bruno. D'ailleurs, on a oublié de préciser au début de l'émission que notre émission pour cette saison se terminait. La dernière émission était le 6 juillet. Et donc, il n'y aura pas d'émission cet été et on se retrouvera seulement début octobre. Bon, et eh bien, c'est l'heure du billet foutraque. Billet sombrement foutraque. Plus ça va, moins ça va. Quoi se dire d'autre dans un monde en pleine mutation qui semble aller plus vite que ceux qui le font fonctionner, à savoir nous. Et où seuls les groupes minoritaires, œuvrant à la continuité de ces grands changements structurels, retirent un bénéfice de cette course effrénée contre la montre, ou contre l'humain, l'autre, cette force de production et de rentabilité. Heureusement, diront certains, il reste encore de l'espoir, des îlots préservés de la folle modernité, et qui nous ramènent au monde d'hier, quand tout était plus calme, plus paisible, plus humain. Mais si, rappelez-vous, de ces résurgences, on peut citer le traitement réservé aux Noirs états-uniens dans une Amérique qui ne s'est jamais coupée de ses traditions ancestrales. Que ce soit sous Trump, ou que ce fut sous Obama, Bush, Clinton et consorts, on a toujours pu et on peut donc toujours tuer impunément un membre de la communauté noire, pour peu que l'on soit flic assermenté. Charlina Liles, une jeune femme enceinte âgée de 30 ans, en a encore fait les frais ces derniers jours, lorsqu'elle a été abattue, chez elle, par les forces de police de Seattle, sous les yeux de ses trois enfants. Tout ça pour avoir appelé les forces dites de l'ordre après que sa maison ait été cambriolée. Comme d'habitude, ce meurtre a provoqué un tollé général. Mais comme d'habitude, il a fort à parier qu'aucune charge ne sera retenue à l'encontre des policiers assassins. Ainsi va la vie et la mort aux États-Unis. Car de fait, ce crime intervient à peine trois jours après l'acquittement du policier qui avait tué Philando Castile, un automobiliste noir de 32 ans en juillet 2016, lors d'un banal contrôle routier. Un contrôle durant lequel Philando Castile avait stipulé au policier qu'il avait sur lui un permis de port d'armes en règle. Le policier lui aura laissé 7 petites secondes, en tout et pour tout, à M. Castile, pour sortir le dit permis, avant de vider le chargeur de son pistolet sur lui, et de rallonger ainsi toujours un peu plus la déjà trop longue liste macabre des personnes noires assassinées par la police. Car, rappelons-nous de Trayvon Martin, cet adolescent de 17 ans non armé, tué en 2012 par le vigile George Zimmerman, car ce dernier avait cru déceler une menace. C'est en tout cas sous ce prétexte qu'il sera finalement acquitté un an plus tard. En 2016, Zimmerman a vendu l'arme qui a tué Trayvon Martin pour $250,000. Le beurre et l'argent du beurre. Bah ouais, pourquoi se gêner? Rappelons-nous aussi de Michael Brown, ce jeune homme de 18 ans, non armé, tué en 2014 à Ferguson par l'officier Wilson pour ne pas avoir obtempéré à son ordre de marcher sur le trottoir. On dit qu'il en faut peu pour être heureux, il en faut encore moins apparemment pour être tué par la police. C'est ce meurtre, autant que l'absence de poursuite à l'encontre du policier, qui engendrera des violentes émeutes dans la ville de Ferguson. Rappelons-nous encore de Tamir Rice, cet enfant de 12 ans qui jouait sur une aire de jeu à Cleveland avec un pistolet en plastique et qu'un officier a tué par balle, alors que les correspondances radio avec ses collègues prouvaient qu'il était au courant que l'arme était fausse. Le policier ne sera évidemment pas poursuivi. Pourquoi faire ? Rappelons-nous toujours d'Eric Garner, de Lacan McDonald, d'Akai Gurley, de Walter Scott, de Freddie Gray ou encore d'Alton Sterling. En réalité, c'est une tâche impossible. Car il faudrait aussi se souvenir de chacune des 1000 personnes assassinées chaque année par la police aux seuls États-Unis, sachant que chacun de ces homicides d'État perpétrés ne sont pas tous répertoriés dans les statistiques morbides. On peut malgré tout garder à l'esprit qu'un adolescent noir américain a 5 fois plus de chances de mourir tué par la police qu'un adolescent blanc, et que ces assassins sont à 99% du temps acquittés, ou tout simplement pas poursuivis. Et oui, c'est une réalité, le monde change, mais seulement quand ceux qui ont le pouvoir acceptent de le voir changer. Et lorsqu'ils acceptent de le voir changer, c'est invariablement à leur avantage. Dans le cas contraire, des noirs continuent de mourir, gratuitement, sans pourquoi. Il faut que ça cesse, condamné les vos assassins si vous ne voulez pas la guerre. Il faut que ça cesse. Alors, nous sommes dans l'émission du magazine Libertaire et c'est maintenant c'est l'heure des annonces. Alors, la première annonce, c'est un appel du côté de Bure. Du 19 au 26 juin, il y a l'anniversaire de l'occupation du bois Le Juc. Voilà, donc en fait, on sent bien maintenant que le sens de nos vies se cherche dans les lieux communs autonomes. Voilà, tout ça à Bure. Donc, le bois est occupé depuis un an. Voilà, il paraîtrait que le bois Le Juc est expulsable. Alors là, je vous lis des extraits du communiqué en fait que nous avons reçu. Il paraîtrait que le bois Le Juc est expulsable. Il paraîtrait que les hiboux ne tiendront pas l'été parce que effectivement, les textes du côté de Bure sont souvent signés des chouettes hiboux de Bure. Donc, il paraîtrait que les hiboux ne tiendront pas l'été. Et voilà, mais nous ne sommes pas de celles et de ceux qui se font imposer une playlist. Et voilà, donc dès lundi matin, donc ça s'était passé, ça, donc voilà, il y a des permanences d'accueil qui sont assurées. Voilà, tous les jours à Vigisud et à Barricade Nord. La semaine, donc, qui est encore en cours jusqu'au 26, elle se déroulera autour d'une vie de camp autogéré en forêt, avec des chantiers, donc douche solaire, cabane, barricade, etc., des ateliers et auto-formations. Donc de grimpe, de déplacement collectif, de médic, etc. Une assemblée sur les perspectives des luttes autonomes en France et ailleurs, des lectures au coin du feu, des actions anti-contrôle policier, et des jeux de rôle, et évidemment une boum acoustique le week-end. Venez avec tout ce qui vous paraît utile, une tente, un duvet, des matos de construction, des gamelles, etc. Même si on préparera des repas ensemble, n'hésitez pas à ramener un peu de bouffe pour être le plus autonome possible. Alors voilà, et venez si vous avez envie, et c'est signé donc des chouettes hiboux de Bure. Et d'ici là, donc en cas d'expulsion, il y a rendez-vous le même jour. Le jour même, donc le jour de l'expulsion, s'il y a une expulsion, à 18h à la maison des résistances, il y a une convergence vers Bure. Dans les jours qui suivent, il y a une manif de récupération. Et dans les semaines qui suivent, il y a des appels à action décentralisés contre les promoteurs et les sous-traitants de la poubelle nucléaire, notamment Vinci FA, GDF, Andra, Lareva et le Centre d'énergie atomique. Que du beau monde. Voilà, que du beau monde. Et il y a 3 points de suspension, donc c'est qu'il y a encore du monde à suivre. Et donc, il y a une affiche et un tract qui sont à diffuser largement. Et vous pouvez retrouver tout ça. Alors, j'ai trouvé cette. On a reçu cette annonce par le biais d'Indy Media Nantes et nantes.indymedia.org. Et sinon, si vous voulez avoir plus d'infos pour savoir ce qui se passe du côté de Bure, donc vous pouvez aller sur vmc.camp. Donc, moi, j'ai une annonce, mais c'est peut-être un peu tard. Là, il y avait un appel à rassemblement ce soir à 20h devant la maison des syndicats à Nantes. Donc c'était une réunion, enfin c'est peut-être encore, mais une réunion du Front Social 44. En fait, il y a un communiqué de presse suite au rassemblement qui a eu lieu le 19 juin. Et donc le rassemblement, c'était une mobilisation contre le projet d'ordonnance de Macron. Et donc, ce jour-là, le 19, les forces de l'ordre, la BAC en tête, ont chargé très violemment, matraqué et blessé des manifestants. Moi, j'ai rencontré une personne qui me dit avoir vu une gamine de 2 ans sur les épaules de son père. Et comme les flics ont matraqué un petit peu tout le monde au hasard, la gamine a pris des coups sur la tête et hurlait en se tenant la tête. Donc, voilà. Le plus important là, c'est donc un appel aussi à témoins des violences policières, et il y a un moyen de contacter le Legal Team de Nantes, donc il y a un téléphone 06 75 30 95 45. Il y a une adresse Legal Team ZAD en petit et tout attaché @rizop.net. Mais vous retrouvez tout ce numéro de téléphone et les adresses sur le site Indie Média Nantes. Alors moi j'ai une annonce, rejoins le NIFPOP de Nantes. Alors tu trouves que l'éducation populaire est un super outil pour changer la société? Tu kiffes les conférences gesticulées, tu as envie d'animer des ateliers, tu as envie de t'impliquer dans une association qui donne un sens politique à ses actions? Rejoins donc l'Université Populaire de Nantes. Nous organisons un goûter de rencontre pour toutes les personnes voulant nous rejoindre. L'occasion d'en savoir plus sur l'UP et de préparer, donc l'Université Populaire, et de préparer la saison prochaine. Si ça t'intéresse, viens et amène un petit truc à goûter pour le partager avec nous. Et si tu n'es pas dispo ce samedi, contacte-nous par mail et nous essaierons de trouver un moment pour te rencontrer. Donc il y a un mail de contact, c'est contact@unifpop.org. Et sinon la rencontre, c'est le samedi 24 juin à 17h au CMEA Pays de la Loire, 102 rue Saint-Jacques à Nantes. Donc on l'a déjà annoncé en début d'émission, mais on le répète, ce soir à la MOB, il y a une soirée de soutien à Radio Cayenne. Samedi, ce week-end, il y a la fête au Jardin des Ronces, c'est rue de la Popotière en face du cimetière, à Vieux-Doulon, donc à Nantes. Le Jardin des Ronces fête son quatrième printemps, cette belle friche urbaine, comme beaucoup d'autres alentours, a été avalée par l'ogre métropolitain, n'en font ni plus de résister. Voilà, l'aventure de ce grand potager collectif autogéré continue de plus belle. Et cette année, nous profiterons de la fête du jardin pour souffler dans ce havre de paix et partager du bon temps, tout simplement. Donc, samedi 24 juin, à partir de 14h, il y a une visite du jardin, donc qui peut être faite toute la journée. À 15h, il y a une conférence sur le blues. À 16h15, il y a un numéro de clown pour adultes. À 17h, il y a le concert pour de... les enfants. Le clown. Oui, numéro de clown, oui. Bah oui, conférence pour adultes. Bah écoute, Nadine, je ne sais pas quoi te dire. Bon, ce qui est pas, des parents après. Oui, voilà. Et des séances de psy futures. À 17h, il y a un concert de Quai des Brumes, trio folk et musique grecque. 18h, il y a la chorale sans nom. À partir de 19h, il y a un repas préparé avec la cantine mobile, court-circuit. À partir de 20h30, il y a un concert de demi-sel, c'est un trio bal folk. Et à partir de 22h30, il y a l'homme orchestre Armando Balconi. Et il y aura des buvettes et des crêpes sur place toute la journée. Et il y a possibilité de camper le samedi soir. Et dimanche 25, il y aura des chantiers participatifs avec la reconstruction de la cabane de jardin en bois qui a brûlé dernièrement et la plantation des poireaux. Ou bien venir faire une sieste au jardin si vous avez envie. Donc ça, c'est samedi et dimanche du côté du Jardin des Ronces. Alors, ce samedi 24 juin, donc là, ça se passe à Angers, Guadeloupe, mai 1967, un massacre oublié. Donc, c'est une projection du documentaire de Xavier-Marie Bonnet et de François-Xavier Guilherme, suivi d'un débat et d'un sound system, Read is Back, Ska, Rocksteady, Soul and More. En ce qui concerne le massacre, du coup, en Guadeloupe, le 30 mai 1967, il fallait un regard avisé pour remarquer à la une du Monde un encart de dernière minute tout en bas à gauche. Les violentes manifestations de Pointe-à-Pitre témoignent du malaise social à la Guadeloupe. Le quotidien fait état de 6 morts, puis 9. Plus tard, on parlera de 22, jusqu'au chiffre officiel de 87. Rien n'est précis sur ce massacre. Que s'est passé les 26-27 mai 1967 en Guadeloupe? Comment expliquer la violence de la répression contre les manifestants? Pourquoi cet événement a-t-il été effacé des mémoires? Donc voilà, ça se passe à l'Étincelle, 26 rue Maillet à Angers, et c'est le samedi 24 juin 2017. Alors sinon, nous avons reçu la newsletter de la Motte au Cochon, donc qui fermera cet été, comme tous les étés. Mais en fait, donc les animateurs et animatrices des soirées bistrot du jeudi seront là, donc jeudi prochain, pour un petit dernier jeudi avant la route de l'été. Et vendredi, il y a une porte ouverte sur l'assaut Ville Intérieure, avec une envie de motivation et d'accueil d'éventuels nouveaux adhérents. Alors l'équipe de la Motte fonctionne depuis 4 ans en mode collectif avec une présidence collégiale. C'est une belle expérience de faire ensemble, chacun donne suivant ses envies, ses compétences. Mais il y a beaucoup à faire et nous ne sommes plus assez nombreux. Entre la programmation, la communication, le bar, l'approvisionnement, la tenue du lieu, la compta, la gestion, etc. Alors si vous voulez vivre la Motte au Cochon de l'intérieur, faites-vous connaître en venant vendredi. À la Motte au Cochon. Et du coup, et pour finir dans la joie et la bonne humeur, il y aura une surprise, donc une surprise partie. Donc en résumé, jeudi, il y a une soirée bistrot. Donc c'est un petit dernier avant la route de l'été. Et vendredi, on se compte et on recrute, on danse et on vide les fûts. Et c'est signé l'équipe de la Motte. Alors, le dimanche 25 juin, à midi, pour la création de lieux d'hébergement inconditionnel, la dénonciation et le recensement des lieux disponibles et inoccupés, pour un accueil digne de tous les sans-toit et les exilés. Rassemblement convivial, familial, festif et militant, avec pique-nique, débat, présentation des projets et des actions, échanges et espaces artistiques ouverts à tous et toutes. Rendez-vous place Victor Mangin, donc à 12h ce dimanche. Actuellement à Nantes, plusieurs centaines de personnes sont sans toit. Cette situation ne fait qu'empirer et chaque jour, de nouvelles personnes sont mises à la rue. C'est pourquoi nous demandons à la ville de Nantes la création de centres d'hébergement inconditionnel permettant d'accueillir dignement et sans distinction tous les sans toit et les exilés. Et une dernière annonce, la CNT 44 sur Radio Cayenne. Donc là, c'est le lundi 26 juin à 20h30. La CNT 44 se lance dans la radio. Nous lançons notre émission Encore sans nom. Donc ce lundi 26 à partir de 20h30 sur Radio Cayenne. Le thème de l'émission sera la précarité et l'intérim. Au programme, interview, lecture de textes et de tracts, chroniques culturelles, actualité des luttes et bien sûr du bon son. Donc voilà, Radio Cayenne diffusera dès 19h une playlist. Et si vous avez besoin d'infos concernant cette annonce, il y a un contact mail qui est interco44@cnt-f.org. Donc on n'a plus d'annonces, on en a fini pour ce soir et puis on vous souhaite une bonne soirée. On peut vous donner encore rendez-vous à la soirée de soutien à Radio Cayenne. Ouais. Tout à fait. Voilà. Et on vous dit ciao. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري لست أدري أجديد أم قديم في هذا الوجود لست أدري هل أنا حر طليق أم أسير في قيود لست أدري هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود أتمنى أنني أدري ولكن ولكن ولكن لست أدري وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير لست أدري وهل أنا أصعد أم أهبط فيه أم أغور أنا السائر في الدرب أم الدرب يسير لست أدري أم كلانا واقف والدار يجري لست أدري لست أدري سألت البحر يوما أصحيح أنا منك لست أدري هل صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك لست أدري أم ترى ما زعموا زورا وبهتان ويفكى لست أدري ضحكت مني أمواجه وقالت لست أدري